Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Tel qu'annoncé la semaine dernière, c'est la première ce soir de notre rétrospective 2023 en termes de parution dans le monde du rock progressif. Évidemment, en 4 heures, ça va être difficile de résumer une année qui n'a pas été aussi fertile que 2022, mais quand même, on peut parler d'une bonne année pour 2023. Et je pense que c'est approprié de commencer ce survol avec les hyperactifs du rock progressif, c'est-à-dire de Samurai of Prog. On aura un extrait de l'album The Man in the Iron Mask. Et puis, on demeure dans le club avec Marco Bernard, un des membres de Samurai, et son disque The Boy Who Wouldn't Grow Up. Et puis, Marc, je pense qu'on va avoir un autre projet aussi de la constellation Samurai of Prog. Oui, et on parle ici de l'album de Pacha et Porsti, un autre excellent disque paru cette année, intitulé Sea of Mirrors. Et ce sera suivi de la formation britannique Zop, qui nous arrivait cette année avec un second album intitulé Dominion, dans le style Canterbury. Mais comme vous le disait Michel, on débute ce spécial 2023 avec The Man in the Iron Mask de Samurai of Prog, avec la participation tout au long de l'album de l'excellent claviériste Oliviero Lacagnina. Advantage of her stunned state. Your Majesty, it was but a distant sound. Please suffocate. Any fear may be the call of a bird or the distant crowd cheering unto that room. Filed in the courtiers who filled that space with presences. Babe, destiny entrusted into the arms of D'Artagnan. The faithful musketeer. Meanwhile, that room emptied of presences. Remorse and pity, remorse and pity, remorse, remorse and pity, remorse and pity are obstacles to power. Thank you. This is Kimmo Pörsti from the Samurai of Prague. Congratulations for Terra Incognita for the 20th anniversary of the show. From me, I have a terrible temper, and it's not just a matter of gender. I am a cranky guy, I have no sense of humor, and the story of the crocodile is just a rumor. It's just a rumor. Stay away from me, I hate people's closeness. Two-faced people always looking for happiness. They were so happy when they bullied me. They laughed like crazy as they cut my hand off me. Off me! Off me! Do you really think they'll let you play forever?

Notre survol des parutions progressives de l'année 2023 se poursuit et cette fois-ci, on s'en va du côté du Brésil avec la formation Caravela Escarlate qui, cette année, nous a proposé un troisième album et une belle surprise. Faut dire que les attentes étaient assez élevées étant donné que leur second album, simplement intitulé Caravela Escarlate, m'avait placé la barre assez haute. Donc, on aura un extrait de ce troisième album qui est simplement intitulé 3. Et puis, de Norvège, on aura un extrait du premier disque solo de Lars Fredrik Freusli, qui est bien connu comme claviériste de la formation norvégienne Wobbler. Et l'album a pour titre Fire Forteligger. Incidemment, Lars m'a confié dernièrement qu'il est en train de travailler sur une suite à ce disque solo. Et puis Marc, après, je pense qu'on se dirige du côté de l'Allemagne. En effet, avec l'excellente formation RPVL et leur album Crime Scene, leur 8e en carrière, paru au mois de mars. Et ce sera suivi de la formation italienne Livestream, qui présentait leur second album Alter Echo au mois de janvier. Mais tout d'abord, comme vous le disiez Michel, on débute avec la formation brésilienne Caravela Escarlate. Thank you. Trying to change. bandit. But days went by, I lost hope. It took a lot of strength to hold on, but too much more to let go. You can't look behind my walls, can't see the scars under my skin. He clipped my wings when he took over, but in my dreams I am free. Life in a cage, can't fly anymore, can't turn another page. Bring back the girl she was before. Écoutez présentement Terra Incognita avec Marc Chonet et Michel Bilodeau, et c'est notre première partie du survol de l'année 2023. Every time, every

Salut, voici Malcolm Smith. Et Mark Spooner avec Isobar. Nous vous souhaitons encore de nombreuses années à jouer de la musique progressive à Québec et partout dans le monde. Félicitations à Michel et à toute l'équipe de Terre Incognita pour leur 20e anniversaire. Meilleur vote d'Isobar. Thank you. Hello, I'm Jarle Wangen from 35 Tips. You are listening to Terra Incognita directly from Quebec City. To your dreaming glass. Zwischen werd ich nur die schönste Blume der Natur. Ach, nur ein kleines Pfeilchen. Bis mich das Lippchen abgepflegt und cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Chez Alimentex, chaque mois est synonyme de bonnes affaires. Notre équipe travaille avec nos fournisseurs pour vous offrir des rabais incroyables. Consultez notre circulaire et suivez-nous sur Facebook pour être au courant des dernières offres spéciales. Alimentex, votre épicerie de quartier à Québec. CKRL 89. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Dans ce quatrième bloc musical pour la partie 1 de notre rétrospective 2023, on aura quatre formations italiennes, entre autres Il Cerchio d'Oro, le Cercle d'Or, qui ont fait paraître cette année leur cinquième album, Pangea e le Tre Lune. Il y aura également l'excellent batteur et musicien italien Andrea Orlando, tiré de son nouvel album, son second, La Scienza della Stagione. Et pour débuter le bloc musical, Michel, un excellent claviériste et compositeur. Oui, nul autre que Luca Scherani, qui cette année nous présentait Everything's Changing, un album sur lequel il a travaillé pas moins d'une décennie. Il faut dire que ce multi-instrumentiste, claviériste et compositeur et arrangeur ne chôme pas et fait partie de la Coscienza di Zeno, de Hudson Hatton, et il travaille sur de multiples projets, donc c'est ce qui explique en bonne partie, et évidemment aussi la richesse des arrangements, c'est ce qui explique cette décennie de travail. On va écouter la pièce de cet album, c'est la pièce Il Discorso. Thank you. sguardi coccodrilli alla magnanimità, rischiosa confidenza. Chiudendo un poco gli occhi, spero sempre di avvertire pesanti i passi dei torpedi che si allontanano. Thank you. che avrebbe pensato che lì potesse nascere vita, e dal nulla così una storia infinita. Pour conclure l'émission de ce soir, on a encore une formation italienne, Ancient Veil, et un extrait du plus récent album paru il y a quelques semaines, Puer Eternus. C'était Michel Bilodeau et Marc Chonnet avec vous depuis 21h. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour la suite de notre survol, de notre rétrospective des parutions progressive de 2023. Et Marc et moi, on vous souhaite un excellent temps des fêtes. Restez à l'écoute. L'autoroute suit dans quelques instants.